listening to Overdrive on Radio Dio. I'm gonna raise a fuss, I'm gonna raise a holler about working all summer just to try and earn a dollar. Every time I call my baby, try to make a date, my boss says, no doubt, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go, we're riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use the car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, gonna have a fine vacation. Gonna take my problem to the United Nations. Well, I called out my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Yes, salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, c'était le sueur Ricky Warwick avec cet album bonus, extrait de cet album When Life Was Hard and Fast de Ricky Warwick, bien entendu, qu'on a vu au sein des Almighty et de Black Star Rider. D'ailleurs, c'est un petit peu maintenant le dernier maître à bord de Black Star Rider qui était fondé sur les cendres de Finlayzy. Il était d'ailleurs dans la dernière mouture officielle de Finlayzy dans les bottes de Finley Note, ce monsieur. Il reprenait ici Summertime Blues, bien entendu composé par Eddie Cochran et magnifié ensuite par les Who et également le Rush, oui, qui avait repris cette chanson. On commence avec un excellent titre Wet, W-E-T, sur lequel on retrouve les membres à la fois de Talisman et de Eclipse, qui nous sort cet album Apex, très très bon album de hard rock mélodique. Ce sera le titre qui ouvre l'album avec Believer. In my doubt, in my sorrow, Yes, Wet avec ce morceau Believer pour débuter Overdrive ce soir. On continue avec du bon vieux rock qui nous vient de Suisse. Ce sera Stereo Crush, le dernier album du groupe Gotthard qui vient de se voir le jour sur Raining Phoenix Music. Le groupe nous revient assez d'une certaine façon, premier album hard rock avec ce morceau Rusty Rose qu'on va écouter tout de suite. Et certains ont qualifié ce nouvel album de la meilleure, on va dire, de, le meilleur album et le plus hard rock de la deuxième partie de carrière du groupe suisse, bien entendu, qui a perdu son chanteur tristement d'un accident de la route alors qu'il était en train de faire un circuit à moto du côté des États-Unis. Il a été fauché par un camion qui a fait une sortie de route, une triste fin pour un excellent chanteur qui était Steve Lee. En tout cas, le groupe est toujours actif de nos jours. Il nous sort des très bons albums comme sur Stereo Crush qu'on envoie tout de suite. Some you took away from me, some you took, but some got free. I won't let you get your way, I won't let you down, I won't let you down. I won't let you down. say pump it, pump it up. I say pump it, pump it up. Come on, pump it, pump it up. I say pump it, pump it up. I say pump it, pump it up. Just pump it, pump it up. I say pump. Voilà, vous venez d'entendre Rock Out, le bien nommé avec ce Pump It Out, Pump It Up, pardon, sur Overdrive Radio Duo pour ce Let's Call It Rock and Roll, encore une fois bien nommé du bon vieux rock and roll tel que l'aurait inspiré et plutôt joué à ses décès. Maintenant, dans Overdrive, on va passer au groupe Lucy Sue. Lucy Sue, il s'agit d'un jeune groupe mené par cette guitariste chanteuse énergique. Elle se réfère à la mode rock alternative des années mi-90 et elle y a ainsi une grosse patate et pas mal d'humour également. Ce sera Bacha Boulou, extrait de ce deuxième album qui devrait bientôt voir le jour du côté du mois de juillet, il me semble. Lucy Sue. I don't know where to go. This ticket's gonna snow. traveled around the world for so long. A fairy tale story of a traveling song for you. Pretty amazing. Down the thing, yeah. Ce groupe Blended Brew avec ce morceau Traveling Sons. Il est maintenant 22h sur le 895 de Radio Duo. On va passer au groupe King Garcia après cette belle plage musicale. King Garcia tout de suite sur Overdrive pour encore une fois de l'excellente musique sur le 895 de Radio Duo. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre maintenant King Garcia avec cet instrumental Sweat, vraiment excellent. Et on continue quelque chose de foncièrement différent, parce qu'il faut parfois casser les styles dans Overdrive. Il s'agira de Vala Lore, qui sort cet album sur le label Rock of Angels Records. Ça s'appelle Beyond the Stars, et on s'envoie le morceau The Storm. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Dio. Make your peace with the storm. Vous venez d'entendre ce groupe Van Loor pour du death metal, on va dire, à tendance un petit peu pagan. Voilà, on passe maintenant dans Overdrive avec le groupe ADX. Donc vous retrouverez le guitariste d'ADX, également youtubeur guitare et démonstrateur de guitare au magasin Guitar Avenue pour un showcase guitare. Ça se passera demain après-midi, samedi 19 avril, du côté de Guitar Avenue Saint-Etienne, le magasin. S'est déplacé pas très loin de Jardiland à Villars, donc à côté de Planet Fitness. Vous pouvez venir, c'est tout simplement gratuit, même si vous ne jouez pas de guitare. Il y aura une masterclass un peu plus tôt dans la journée et aux alentours de 16h30 17h, un petit showcase de guitare pour démontrer les guitares Flamel qui sont que le guitariste endorse. Ce sera tout de suite maintenant le morceau Légion par ADX, extrait de son dernier album, L'Empire du Crépuscule. Au cours d'échecs, accordez-lui fin quelque peu étrange pour un ADX avec sa Légion, extrait de son dernier album L'Empire du Crépuscule. On rappelle, le guitariste Neo Geo sera du côté de Guitare Avenue demain dans l'après-midi pour un showcase guitare pour présenter ses guitares Flamel. Ce sera gratuit, disponible, possible pour tous ceux qui apprécient la guitare, même s'ils ne la tout simplement pratiquent pas. On va parler de quelqu'un aussi qui pratique très très très bien la guitare. Il s'agit de Michael Schenker. Michael Schenker nous revient avec son dernier album My Years with UFO, sur lequel il réinterprète d'anciens classiques de UFO avec des chanteurs invités, des grosses grosses stars. On a Biff Bifford de Saxon, on a Eric Grunwald, ancien Skid Row, ancien Heat. On a Joey Tempest de Europe et Kai Hansen de Gamma Ray Halloween. Et ce bon vieux Axl Rose qui nous interprète le morceau Love to Love, une petite fausse ballade de UFO. Et qui là ici l'allonge, donc je suis assez impatient d'entendre ce morceau. Michael Schenker sera du côté de Clermont-Ferrand le 2 mai prochain, donc réservez votre soirée. Il s'agit en plus d'un long week-end, un vendredi 2 mai. Vous pouvez faire l'impasse sur Overdrive ce soir-là et aller applaudir l'ange blond allemand. We'll be right back. Yes, très très beau solo de guitare par Michael Schenker, Love to Love. On le retrouvera du côté de Clermont-Ferrand le 2 mai prochain. Et bien entendu, Axl Rose assez inattendu ici. Maintenant, un autre album hommage par le guitariste Yoshi Chinomoto, guitariste donc japonais, qui rend hommage à Children of Bodom et plus particulièrement à Alexis Laiho, en reprenant bien entendu des classiques du groupe finlandais. Ce sera extrait de, du deuxième album Hate Breeder, le morceau Downfall, qui nous montre quand même que ce groupe a su marquer toute une génération de guitaristes, une génération qui a commencé à écouter du métal avec Children of Bodom. On leur rend ici un bel hommage. Voilà pour cette belle hommage à Children of Bodom et Alexi Laiho ici, Reijio Chinomoto. On retrouve des influences bien entendu orientales, japonaises, asiatiques ici et qui se mêlent fort bien à la musique de Bodom. Overdrive maintenant, Chaos Theory, extrait du dernier album du groupe Elagian, ça voit le jour sur Metal Blade Records, et là aussi on est sur du métal extrême assez technique. Overdrive tout de suite. We'll be right back. Vous venez d'entendre le groupe Corrosive Elements avec ce morceau Ignorance is no longer bliss. Ignorance is no longer bliss, sur lequel on retrouve un death metal, alors assez old school, trash death metal, pas technique pour un sou, mais plutôt accrocheur. Round, tout de suite, on est plutôt là sur du post-black metal avec ce morceau qui ouvre cet album, ce sera Eclipse of the Imperial Dawn, tout de suite par Round. Voilà pour ce groupe Rome Eclipse of the Imperial Dawn. On attaque maintenant quasiment la dernière partie de l'émission, et on va maintenant continuer avec un triste hommage. On va quasiment terminer Overdrive ce soir. Et puis, bon, je voulais terminer l'émission sur une note un peu plus positive, donc on se posera avec un petit morceau pour tout simplement terminer l'émission. Néanmoins, avant ça, on va quand même passer un hommage à l'excellent batteur qui était Jens Binks, qui nous a quitté cette semaine. Il avait environ 74 ans, il me semble. Et voilà, batteur de Judas Priest sur d'excellents albums, sur Stenclast notamment, sur également Killing Machine, et également sur le live Unleashed in the East. Donc voilà, des albums majeurs pour l'institution anglaise. On va passer tout de suite un morceau qui a été coécrit par cet excellent batteur. C'était bien sûr Beyond the Realms of Death. Judas Priest, Beyond the Realms of Death. Un morceau qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment lors du procès qu'avait eu Judas Priest au début des années 90, un morceau qui aurait pu même casser leur carrière tout simplement, et néanmoins ils sont revenus plus forts que jamais, et bien entendu ils ont poursuivi leur carrière. Voilà, laissez passer et laissez parler plutôt la musique, avec encore une fois un classique du métal pour quasiment clôturer l'émission et bien entendu rendre hommage à cet excellent batteur. Had enough. Voilà pour l'hommage à cet excellent batteur qui était James Binks. Et on va se quitter maintenant au son de Damage Done et le morceau Into the Storm sorti sur la Clonosphère. On rappelle le www.radiodio.org. On rappelle également facebook.com/overdriveradiodio. Overdrive Radiodio, c'est également sur Instagram et la plateforme Mixcloud. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour le 895 de Dio. Prenez soin de vous et passez un bon week-end de Pâques. Ciao, bye bye. If it's my enemy, oh Lord knows who I am, I've never killed myself to bleed. I've locked myself in a cage and never found out how to live. I lost my to the storm.